Encore un slow qui passe, j'ai plus de quoi parler. Je lui chante la ligne de basse, elle commence à s'emmerder. Si je danse, il faut que je l'embrasse, je prends l'air fatigué. Brune d'un club, air complice, aux fleurs d'un pote qui colle sur la piste. Sourire slow, mais cœur qui bat twist. Je vais faire un petit tour au bar, histoire de meubler. Puis je retourne m'asseoir, juste un peu plus près pour voir. Est-ce que tu seras là demain soir? Elle se lève, c'est la goutte d'eau. Arrive le héros. Brume d'un verre, onde de choc, air complice, au héros schnock. Sourire twist et cœur qui baroque. Sourire blues et cœur qui bat slow.